et ces gens-là l'obtiennent par voie d'accommodement raisonnable. Ce que je trouve déplorable aussi. Oui, mais c'est ça la réalité, que tu veux que je te dise. C'est ça. Mais moi, c'est juste que je... On s'en va vers là, Jean-Claude. Mais il faut donner l'exemple. À un moment donné, faut tracer une ligne. Et si tu traces une ligne, tu t'attrapes tout le monde. C'est les chartes. Je trace une ligne, mais juste pour les autres. Nous autres, on donnera pas l'exemple, on le fera pas. Nous autres, on va continuer à prier au gouvernement. Ouais, mais s'il y a un maire musulman qui arrive à un moment donné, ça peut arriver, attends un petit peu, Jean-Claude. Oui, oui. Et parce qu'il y a un maire musulman qui dirige Calgary. Oui. Donc, croisez-vous pas la tête, là, ça va arriver d'ici 10-15 ans, là. Victo, il y aura peut-être un maire musulman, que vous le vouliez ou non, ou à Thetford ou ailleurs, là. C'est OK? Ça va arriver. Croisez-vous pas en tête. Je sais pas quand, je sais pas où, ça va arriver. Et ça pourrait arriver que ce maire-là demande à ce qu'on fasse une prière durant le ramadan. Ils ont des périodes de prière, là. Oui. Les musulmans. Ou interrompre le conseil à telle heure. Ou interrompre le conseil à telle heure, se tourner vers la Mecque. Ou ils demandent, je te donne un exemple, mais qui est pas du tout farfelu, là. Qui est pas du tout farfelu. Riez pas, là. Est-ce qu'on réoriente les bureaux du conseil municipal vers la Mecque? Ça peut arriver. Je vous le dis, ça va arriver au Québec. Je sais pas quand, je sais pas où, mais ça va arriver. Et ces gens-là vont utiliser des dispositions de la Charte des droits pour arriver à leur fin. Et ils vont réussir. Maintenant, Jean Tremblay est catholique pratiquant. Ne pourrait-on pas penser à ce moment-là à ce qu'on puisse lui accorder cet accommodement raisonnable-là? Mais si on dit non à lui, on va dire non au curé musulman, ou pas au curé, au maire, pardon, musulman, ou aux autres, d'autres, je dis musulman, mais d'autres confessions. Si on lui accorde, par voie d'accommodement raisonnable. Est-ce qu'il faudra dire oui aux autres? Les autres, ils vont gagner. C'est ça que je te dis, là. Okay. C'est ça que je suis en train de dire. Ils vont gagner à cause des chars. Donc, il faut se plier à tout le monde, puis chaque religion, chaque conseil municipal aura sa religion. Ouais, mais là, tu parles avec tes émotions. Moi, je te le dis, la réalité. Ouais. Faut enlever des émotions, là. La réalité. Je dis pas que je suis pour, je dis pas que je suis contre. C'est ça, la réalité. Légal. Il y a des chartes. Les chartes des droits et libertés au Québec et au Canada. Ben, moi, je et les tribunaux des droits de la personne nous ont montré que ces groupes-là minoritaires mènent des défenses de liberté de culte et ils gagnent ces points-là. C'est la réalité. Oui, c'est fâchant. Parfois, c'est frustrant. Parfois même, ça n'a ni queue ni tête. Les histoires de voiler les vides du YMCA, là, ça n'avait pas de bon sens. Mais je te parle de pratiques religieuses dans des endroits publics spécifiques. Non, mais le YMCA, tu sais, encore là, c'est pas un endroit, mais c'est pas un endroit public. Non, mais je te parle. Maintenant, je viens de te dire que je comptais pas ça là-dedans. Moi, je te parle de pratiques religieuses dans des endroits public. Oui, dans des endroits, mettons, gouvernementaux. Gouvernementaux, okay, donc, par des élus. Municipal, provincial, fédéral, bon, OK. Mais moi, je pense que c'est là qu'il faut la mettre la ligne, au moins. C'est juste ça. Toi, ce que tu dis, c'est que le gouvernement devrait voter une règle, c'est-à-dire peut-être une genre de charte peut-être de la peut-être même modifier la Constitution, là, qui et enlever Dieu de là. Là. OK. Ben peut-être. Parce que là, des dieux, il va en avoir plusieurs là, dans les années qui s'en viennent. Tout à fait. Là. Puis là, ils vont se battre, ces dieux-là. Là. La religion, c'est de la chicane. Je suis d'accord avec toi, est-ce qu'on évacue tout ça parce que ça va créer de la tension. C'est ça. Mais je suis pas optimiste pour l'avenir, c'est ça que c'est je veux ça. Dire. C'est ça, OK, mais je comprends, mais je suis pas optimiste. Moi pour je suis d'accord avec toi dans le sens où je sais que ça s'en vient puis que ça va être parce nous ça autres, va être du chiard, on va faire de la courbette, les catholiques ou Jean Tremblay ses amis, les autres vont faire la courbette puis vont dire parfait, on enlève ça. Sauf que dans 8 ans, tu risques d'avoir un maire à Amos ou dans 22 ans un maire à Valleyfield. Musulman juif musulman n'importe quoi qui va dire mais durant le prochain 10 minutes ça sera une prière tournée vers la Mecque ou une prière avec un tapis ou whatever et on va être contraint de se plier à ça à cause des chartes actuelles. Ouais. Mais ça, c'est vrai, t'as raison. Ça, là, tu me parles, mettons, là. Mais moi, je te parle, c'est parce qu'on n'avait pas la même enlignement, là. Toi, tu me parles de la réalité, t'as raison. Moi, je pense que si on veut combattre ça. Ouais. Si on veut éviter ça, il faut évacuer si on la veut religion. C'est ça, pour évacuer et la religion. Et ça inclut Jean Tremblay, là. Mais sais-tu qu'est-ce que je crains? C'est que la charte de laïcité se fasse débattre par la Charte des droits et libertés du Canada. T'as raison, ça va. Il faut monter très très haut. Là. C'est la Constitution du Canada. C'est la Constitution canadienne. C'est la Charte des droits. Mais moi, la liberté de culte, j'ai pas de problème avec ça. Là. Puis là, arrêtez là, avec la Croix du Mont-Royal, ça n'a aucun rapport. Là. Je vous parle pas des statues au centre-ville de Montréal. Montréal, c'est une décoration. Je vous parle d'endroits gouvernementaux où on prend des décisions avec des gens qui sont de toute religion. On parle pas de la symbolique de la croix, du crucifix. La société. Je parle pas des décorations, là. Je parle d'endroits où on représente la société. Puis c'est bien plate pour certains. Mais aujourd'hui, la société, ça regroupe toutes les religions. Tout à fait. Parce qu'on a un paquet d'immigrants. Il faut vivre avec tout ce monde-là. C'est juste ça, là. Sauf que, là, ce que tu mentionnes, c'est qu'il faudrait s'attaquer à la politique multiculturelle du Canada. Et ça, je suis d'accord avec toi là-dessus. Mais le message au niveau de décision gouvernementale. Ouais, mais le multiculturalisme canadien, ce que ça envoie, c'est un message de bord ouvert. Tu t'en viens, tu pratiques ce que tu veux, tu reproduis ton mode de vie, ton culte, dans la sphère privée. Encore là, moi, quand la porte se ferme. Non, mais le message que ça envoie, c'est un message de bord ouvert. Moi, par contre, je réglementerai pas la famille puis chez vous dans ta maison. Là. Je veux pas ça non plus. Je te parle vraiment juste d'endroits publics. La sphère, ouais, exactement, ouais, exact. Mais la politique multiculturelle canadienne. Elle inclut tout ça. Mais il y a un grand flou. Ouais, c'est ça. Il y a un grand flou parce qu'on veut faire la promotion de la grande amitié canadienne, puis tout le monde est égal, puis cette espèce de relativisme là, où le Canada dans le fond c'est un grand terrain de camping où tu te loues un terrain. Puis tu fais ta tente à ton goût, puis comprends-tu, tu cuis ton lunch, puis même si tu fais de la boucane, puis il t'empêche l'autre, c'est ton droit à toi, puis l'autre, il s'organisera, puis c'est tes droits. Donc, il y a des collisions de droits.